Un père et ses fils. Conte. Un père recommandait à ses fils de vivre en bonne intelligence, mais ils ne l'écoutaient point. Alors, le père fit apporter un paquet de verges et leur dit: Cassez. Malgré tous leurs efforts, ils ne purent casser les verges. Alors, le père délia le paquet et leur ordonna de casser les verges branche par branche. Ils réussirent sans difficulté. Vous êtes comme ces verges, reprit le père. Si vous vivez ensemble et d'accord, personne ne pourra triompher de vous. Si vous êtes désunis, vous serez beaucoup moins forts.